C'est quand la trompette sonne qu'on sent que la vie est là. Viens humer les odeurs de la vida locale. Ici bas on garde le sourire même quand ça va pas. J'ai mis de la saveur des épices dans mes rimes. Face au rayon je m'incline, car les UV réanime. Je nomme Certago, y'a pas de misogyne. On s'aère la tête et ça se passe sans aspirine. C'est la misère du sud que je viens représenter. C'est pour les balafrés, les filles à la peau bronzée. Un parfum d'espoir au-dessus nos crânes rasés. Bidonville et toi tôt ce soir, je viens vous faire danser. Voici un nouvel horizon, le temps d'une chanson, un instant d'évasion. C'est pour celle à la pommade qui taffe à 4h du mat. On flatte du lourd, du real, du bon, du rap, du son, du fac. Laisse-la danser, laisse son corps s'exprimer. Laisse-la briller, le bonheur doit primer. C'est de la fumée d'un cigare de Havane, des parfums latins, voilà ce que j'ai dans mon crâne. Donc je suis le sunshine, derrière la pluie, le rayon de soleil qui apparaît après l'intempérie. Seule la musique soigne, elle vient panser des plaies pour les jeunes, les vieux, les sistas, les refrains. El color de una vida a enseñar la violencia. Vida animal, situación mortal, esperanza es un sol inmortal. Hip hop, salsa, c'est pas du sale son. Attends, je cale ça, Havana Club sans glaçon. L'occidental se plaint, même quand tout va bien. Mais regarde le sourire, avec la moitié du quart de rien. La mélancolie se fond dans la mélodie. Dans les usines, les ruelles, elle embellit la vie. C'est au son des percussions que j'ai trouvé ma quête. Chaud comme un macho qui accumule les conquêtes. Ressent la chaleur, les odeurs de Cuba. Les rythmes, le piano, les congas de Villa Clara. Il faut bien s'évader, s'échapper de l'étau. Quand les cuivres chantent, ça met du soleil dans le ghetto. El color de una vida.